بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الخامس عشر بعد المئة 115 leçon. Et là il va parler du salat al-Eid. بعد أحكام يا. Et pour ceux qui veulent plus de tafsil, plus de détails par rapport à la salat du Eid et ce genre de choses, il y a des durus, alhamdoulilah, sur le site qui en parlent de façon détaillée. قال في سؤال الثاني وتسعمية 902e question. هل في صلاة العيد أذان وإقامة؟ Est-ce que la salat du Eid, il y a un أذان et l'إقامة? Et la réponse est non. Comme dans le hadith de Jabir ibn Samura, قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير الأذان والإقامة. رواه مسلم. Qu'il est dit que j'ai fait la salat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat des deux Eid, c'est-à-dire celle du Fitr après Ramadan et celle de Adha qui est celle de après Arafat, plus d'une fois ou plus de deux fois, sans faire l'azan ni l'iqama. Donc il n'y a pas d'azan à faire ni l'iqama. Celui qui fait cela aura fait une chose nouvelle en religion. 903e question. Est-ce que l'on sort le minbar dans le moussol, c'est-à-dire là les gens se retrouvent pour la salat, pour le Eid? Et ça également, non. Ça n'a jamais été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ait fait cela. Et cela a été une chose qui a été innovée par l'un des gouverneurs qui s'appelait Marwan, qui gouvernait le Médina. C'est le premier à avoir fait cela. Et il avait été, repris en cela par Abu Saïd. Et il a répondu à Abu Saïd, quand Zahaba Mata'alamu, il a dit, ah, c'est l'époque que tu as connue, elle est finie. Ce que tu as connu, c'est fini. Il y a une nouvelle époque maintenant. Parce qu'en fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient le minbar afin de pouvoir faire la khutba en premier et que les gens écoutent ce qu'ils avaient à dire. Puis, ils faisaient la salat. Ou alors peut-être que j'ai confondu avec une autre époque par la suite. Il y avait certains des gouverneurs qui faisaient cela. Je ne sais plus si c'est Marwan ou d'autres. Ils faisaient quoi? Ils faisaient la khutba en premier. Durant cette khutba-là, ils parlaient mal sur les compagnons. Donc les gens partaient, ne voulaient pas écouter. Donc pour contraindre les gens à écouter, ils commençaient par la khutba et après la salat. Parce que la khutba n'est pas obligatoire. Mais j'ai un doute. J'ai un doute si c'est les mêmes personnes ou pas. Allah a'lam. ثم قال في سؤال التاسع بعد 900 904e question. هل تخرج النساء في صلاة العيد? Est-ce que les femmes doivent participer également et sortir pour salat du Eid? Et on dit non, en effet, les femmes sortent, même la femme qui a ses menstrues. Ou la awatiq, les femmes âgées également. Et le dernier, c'est le hadith de Mu'tayya, ou Atiyya, afouen, quand elle est, amrana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an nukhrijna fil fitr ou la adha al awatiq, ou al haid, ou zawat al khudur. Fa amma al haid, fa yartazilna al sola, fa yashhadna al khayr, ou dawat al muslimin. Donc il a dit qu'il nous a été rendu obligatoire de faire sortir pour le fitr, c'est-à-dire la salat du Eid après Ramadan, et l'adha, celle qui est après l'Arafat, de faire sortir les femmes âgées, ainsi que les femmes qui ont leur menstrue, et ainsi que les jeunes femmes vierges. D'accord? Il dit, et quant aux femmes qui, elles, quant à celles qui ont leur menstrue, elles s'éloignent du lieu de la salat, mais elles restent afin de pouvoir également constater et participer et voir tout le bien et l'appel des muslimines. Le hadith est muttafaq alayh. ثم قال في سؤال الخامس بعد 905e question. ما هي الصلاة التي تصلى إذا كشفت الشمس أو القمر? Donc quelle est la salat que l'on doit accomplir lorsqu'il y a une éclipse lunaire ou bien solaire? Et ça s'appelle salat al-kusuf, la salat du kusuf de l'éclipse, comme on l'appelle. Comme dans le hadith de Aïcha. رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيات من آيات الله لن كسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله تعالى يخوف بها عباده فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. Qu'il est dit صلى الله عليه وسلم que le soleil et la lune ne disparaissent pour personne. Elles sont deux signes parmi les signes d'Allah عز وجل et ne disparaissent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclipse, ne s'éclipse pour ni la mort de personne, ni pour la vie de personne. Parce que les gens avaient cru que cette éclipse avait lieu à cause de la mort du fils du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Ibrahim. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a récusé cela, a répondu, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et cela n'est lié que, comme il expliquait par la suite, que c'est une chose que Allah produit, crée, afin de faire peur à ses serviteurs. Donc il dit, c'est mieux, vous voyez l'éclipse, alors invoquez Allah, faites le takbir, faites la salat, et invoquez, et faites l'aumône, faites des aumônes, rapporté par le Bukhari. Donc c'est pour nous faire peur, un rappel pour nous faire peur. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a eu qu'une seule éclipse. Et la cassette des éclipses, le fait qu'il y en ait beaucoup, c'est parmi les signes de la fin des temps. Et on constate que ces derniers temps, tous les ans, il y en a au moins une. Elle se répète. Ce qui est un rappel pour nous également. Et ce n'est pas un simple fait naturel, comme veulent le faire croire les koufars, mais c'est un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous faire peur. Thumma qala fi su'al sadis bati samia. 906e question. Mazana fa'alu iza ajdabat al-ard. Que doit-on faire si la terre se met à devenir stérile? Il y a comme la sécheresse un peu, aride. Quand on est sur les solettes, l'estisqa, on fait la salade de la demande de pluie. C'est une chose qui est légiférée. Comme a dit le hadith Aïcha, radiallahu anha, quand on est, chaque nas ou les rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kuhout al-matar. Fa amara bil minbar, wa wudi'a lahu fi musalla, wa wa'ada al-nas yawman yakhrujuna fih. وذكر الحديث وفيه فنزل فصلى ركعتين. Donc dans le hadith de Aïcha, qu'elle a dit que les gens sont plus près du prophète sallallahu alayhi wa sallam du manque de pluie, qu'il ne pleuvait pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire sortir le minbar, qu'il soit placé dans le musalla, c'est-à-dire à l'extérieur, dans le salat, qui n'est pas dans le masjid, et qu'il a donné rendez-vous aux gens en un jour précis. D'accord ? Et qu'il a fait une khutba, en fait, dans le hadith, il n'est pas dit, mais c'est ça qui se passe. Il fait une khutba et après, qu'il fait rakatayn. Et après, il fait rakatayn. Donc, c'est comme cela que l'istisqa se fait. Non. Et on est aussi on a oublié de dire que la salade de Kusuf, de l'éclipse, elle se fait par deux rakat. D'accord. Et chaque rakat comporte deux inclinaisons. C'est-à-dire que les gens font la fatiha, ils font le takbir. Il récite la Fatiha, après il récite du Coran longtemps. Après il s'incline, après il se relève, après il récite la Fatiha, après il récite du Coran longtemps, après il s'incline, après il se relève normalement un petit temps, après il se prosterne deux fois. Et après il recommence cela dans la rakat d'après. D'accord ? C'est comme ça que cette salat-là a lieu. Thumma qala fi su'al athamin wa tis'amiya, 908e question. Hal yukhraj al minbar fi l'istisqa ? Est-ce que l'on sort le minbar lors de la salade de la demande de pluie? On dit naam. Et ça, c'est contrairement à celle du ride. Celle-ci, c'est légiférée et la preuve vient d'être citée à l'instant. De la 900e question. Thumma qala fi su'al at-tasi'a ba'd tis'amiya, 909e question. Ma ya ahsan al-thiyab. Quels sont les meilleurs vêtements à porter? Qala thiyab al-bid. Les vêtements blancs. D'accord? Les vêtements blancs. Et le dalil sur le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, qu'a alaka Rasulullah sallam, ilbesu min thiyabikum al-bayd, fa'innaha min khayr thiyabikum, wa kaffinu fiha mawtakum. Il a dit, revêtez-vous comme vêtement, le blanc, qui fait partie de vos meilleurs vêtements, et c'est avec cela que vous devez faire le linceul funéraire pour vos morts. C'est-à-dire, on embaume nos morts dans des vêtements blancs. Et le hadith rapporté par Abu Daoud. Et en fait, là, c'était le Mokadima parce que dans la prochaine dolos, il va parler de Salat al-Janaza. Naam. Incha'Allah ta'ala. Ça va être le cadre. Walhamdulillah.